new day with you, my friend. Oh, dream new day with you, only with you, only you. Comment tu fais pour gérer tout ça en si peu de temps? J'avoue, c'est compliqué. Welcome to the machine. Ma sister. It was the 1st of September.